Et finalement, en entendant un tout petit peu quelques sons des bandes hier, en faisant de l'ordre dans toutes ces bobines, je pensais à cette histoire de Landor. Was, welche? Landor. Landor de... Apulée. Apulée. Ja, jawohl. Apulée. Der goldene Esel. Comment der Esel von Gold. En or, l'âne en or. Oui. C'est pas connu en Allemagne. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das verschiedene. Aber ich glaube nicht, dass das sehr... Sehr bekannt. Sehr bekannt und sehr populär ist. C'est pas populaire. Mais c'est un... C'est un procédé littéraire. Von wann stammt das? Von wann? Apulée. Oh, ben ça, il faut regarder dans le dictionnaire. Antique. Ah. 2, 3, 4, 5. Attends, je vais prendre une bande. Je prends au hasard, hein. Mm-hmm. On va voir ce que ça dit, sans savoir. Et donc, l'auteur, Apulée, raconte l'histoire de Landor. Alors, il y a un protagoniste principal, un type qui commence à raconter son histoire. Il raconte ses aventures. Mmh. Et puis, il rencontre quelqu'un qui, lui, commence à raconter une histoire. Et d'un seul coup, le raconteur principal disparaît complètement, c'est-à-dire que son histoire à lui s'arrête, et c'est l'autre qui raconte une histoire. Et quand son histoire commence à se développer, il rencontre quelqu'un qui lui raconte une histoire. C'est-à-dire qu'il y a toujours une histoire qui vient dans l'histoire, et c'est un procédé très, très éprouvant, très... Für den Leser. Agaçant. Et finalement, il y a toujours cette histoire de raconter une histoire qui raconte une histoire qui raconte une histoire qui raconte une autre histoire, et toutes les histoires qui sont commencées restent en plan. Un traduit un peu ça. Das ist die Schachtelgeschichte, wenn Apulée von einem Mann berichtet, der eine Geschichte eines Mannes erzählt, der eine Geschichte eines anderen Mannes erzählt. Und die Geschichten werden immer spannender und plötzlich hören sie auf oder hört die erste auf. Und es wird von einer anderen Geschichte erzählt. Und das ist sehr irritierend für einen Leser, wenn er immer eine Geschichte nicht weiterlesen kann, weil eine andere beginnt. Unser Gedächtnis bleibt immer hinten an, weil wir immer wieder zu einer neuen Geschichte gerufen werden dabei. Et alors là, moi, c'est un petit peu ça. Je me suis rendu compte hier que je voudrais faire ça. Par exemple, on est dans mon studio à Paris. Zum Beispiel hier in deinem Studio in Paris. On a les sons de Francfort et de Kassel. Du hörst die Klänge, die Aufnahmen von Frankfurt und Donc von je laisse tomber mon studio à Paris pour entrer dans l'histoire de Francfort. Mm-hmm. Du beginnst mit der Atmosphäre deines Studios und verlässt nach und nach dein Studio, um dann nach Frankfurt zu gehen. Das heißt, das ist der Übergang, ein sehr plötzlicher Übergang auch. C'est-à-dire que les histoires sont interrompues par quelqu'un qui raconte autre chose. Das heißt, jede Geschichte wird unterbrochen von jemandem, der eine neue Geschichte erzählt. Alors on pourrait appeler ça Das Pferd von Gold. Ou bien le pénis en or. Pénis. Französisch pénis. Ah, das sagte Jules immer. Tiens, voilà, wenn er von Pfennig sprach, sagte er Pénis. Et le téléphone, il est où là? Le téléphone, il est dans lequel? Ah, ben ça, ils sont arrivés là. Wo seid ihr da? Pierre Schaeffer. Moi j'ai le téléphone et t'as la douche. Ah, on arrive à l'hôtel. Ah, Il y avait des histoires importantes entre les douches et les téléphones.